France Inter, le 13-14. C'est l'heure du vif de l'histoire, le prix Goncourt remis aujourd'hui, on en a largement parlé. On dit le Goncourt, mais Jean Lebrun, il faudrait dire le prix des Goncourt. Oui, les Goncourt étaient deux, indissociablement deux. Edmond, oui, et son cadet Jules, disparu bien avant lui, il y a 150 ans, en juin 1870. Ils avaient vécu ensemble sans jamais se séparer plus de 24 heures. Ils avaient travaillé de conserve. Ils étaient parvenus à se faire un cerveau, un cœur commun. L'un et l'autre collectionneurs de femmes, il leur était arrivé de s'en partager quelques-unes. Ils avaient acheté une maison à Auteuil qu'ils avaient meublée ensemble. Ils étaient collectionneurs de femmes et chineurs d'objets. Dans le jardin, ils disaient qu'ils pissaient à deux au même endroit. Oui, alors, c'est pas de la trivialité comme chez Gérald Darmanin qu'on évoquait tout à l'heure, mais à l'époque, ça s'appelle l'écriture artiste. On s'épargne les convenances, vous voyez. Ouais. Évidemment, chacun avait ses rêves. Mais au matin, ils les couchaient dans leur journal, chacun s'appropriant ceux de l'autre. L'originalité absolue de ce journal, c'est qu'il rencontre d'un mois Gémelaire. Mai 1870, Jules meurt à moins de 40 ans. Bon alors Edmond, voilà un peu la vérité. Il se refuse à dire que son frère était atteint de la syphilis. Et quand seul, il reprend la plume, quelque temps après la disparition de Jules, il parle d'une maladie de l'intelligence qui, peu à peu, a atteint les mouvements du corps de son frère. « Tu es devenu si maladroit, lui reprochait-il, que je ne vais plus pouvoir t'emmener au restaurant. Mais c'est pas de ma faute, lui répond le malheureux. Puis c'est la sensibilité qui est touchée. Jules, qui n'aimait rien tant que la conversation, éprouve de plus en plus de difficultés à trouver ses mots. Il s'enferme dans le silence. Il reste de longues heures dans le jardin de la maison d'Auteuil, son chapeau de paille lui barrant la vue, mutique face à un arbre. « Cette amitié qui faisait le gros de ma vie, je ne la sens plus », note Edmond, désespéré. Alors l'habitude s'est établie aujourd'hui de dire beaucoup de mal des Goncourt. Ce sont des pipelettes, réactionnaires, antisémites qui, obsédés par la nostalgie de leur cher 18e siècle, n'ont même pas porté attention aux plus grands peintres de leur époque, etc. etc. Mais moi, ce que dit Edmond de l'agonie de Jules, ben, ça continue de me bouleverser. Edmond l'enterre au premier jour de l'été 1870. 1870, année terrible, l'été qui s'ouvre, c'est la guerre. Et l'été de toutes les défaites. Le siège de Paris commence le 19 septembre. Il enferme les Parisiens et en même temps, il les met tous dehors. Edmond, qui était resté un moment terré, sort de nouveau de la maison d'Auteuil. Au bout du jardin campent des mobiles bretons. Dans les allées du bois de Boulogne, où il se promenait avec Jules, beaucoup d'arbres ont été abattus pour faire du bois de chauffage. Il part dans d'autres directions, ne serait-ce que pour repérer des endroits ou acheter un peu de nourriture. Rue d'Enfer, l'actuelle avenue d'Enfer-Rochereau, s'est improvisé un marché aux chevaux. Il note que les bêtes éprouvent une telle faim qu'elles rongent des dents les barrières de bois auxquelles elles sont attachées, puis elles mangent la sciure qui est tombée par terre. Et enfin, on les vend et on les emmène à l'abattoir. Edmond avait songé à se séparer de la maison d'Auteuil. Les événements l'ont fait renoncer à cette idée et maintenant il s'inquiète qu'elle puisse être touchée par la canonnade et qu'avec elle disparaissent tous les souvenirs qui le lient à son frère. La nuit du 27 novembre 1870, il monte au grenier, il est fasciné par toutes les petites pointes de feu qui s'allument comme des becs de gaz et il écoute les grandes voix de la mort qui montent du silence. Et quand le jour revient, bah c'est plus fort que lui, il s'en va tailler les arbustes de son jardin pour préparer les saisons à venir. Alors peut-être est-ce la vertu des grandes catastrophes collectives que de remettre à leur place les drames privés? Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, lui-même Goncourt de la biographie, c'était en 2014 pour Notre Chanel. À demain, Jean Lebrun.